Comme toutes les fêtes juives, Soukhot, l'une des trois fêtes de pèlerinage, qui se terminera lundi soir ou mardi soir prochain selon les communautés, possède une double signification. Signification historique tout d'abord, qui commémore l'errance dans le désert pendant 40 ans, et signification agricole ensuite. Fête joyeuse, qui marque la fin du cycle des récoltes de l'année qui vient de s'écouler, et invocation pour la réussite des récoltes de l'année à venir. Mais qui dit récolte, dit eau et pluie, vent, nuages et soleil, sources et fleuves, tout un équilibre météorologique dynamique et complexe que l'homme ne maîtrise pas, si ce n'est dans la science de la gestion de l'eau, puits, barrages, canaux et toute une technologie d'acheminement de l'eau nécessaire aux besoins de chacun, les noces du ciel et de la terre. On l'oublie parfois, la pluie est la condition même de l'existence humaine. Et d'hommes, il n'y en avait point, car Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, dit le texte de la Genèse. Ce n'est qu'après l'introduction du cycle de la pluie que le texte biblique fait le récit de la création de l'homme, formé à partir de la poussière de la terre, transformé, anglaise, par l'eau, qui venait pour la première fois de tomber et d'abreuver le sol. C'est l'absence de pluie, avec les famines qui s'en suivirent, qui fut à l'origine de la descente en Égypte d'Abraham, d'Isaac et des enfants de Jacob, écrivant ainsi parmi les plus importants chapitres de l'histoire des Hébreux de la Bible. La fête de Soukhot, qui se situe précisément à la fin de l'été et au début de l'automne et de la saison des pluies, acquit ainsi avec le temps une signification supplémentaire, ou peut-être, faut-il dire, corollaire. Soukhot devint la fête du puisement de l'eau, Simchat Bet HaShoeva, et le temps liturgique de la récitation de la prière pour la pluie, Tefilat HaGeshem en hébreu. Encore aujourd'hui, c'est l'occasion de véritables festivals où sont déployées des prouesses sportives accompagnées de musique autour du thème de l'eau. Festival doublé d'une liturgie synagogale pendant laquelle les fidèles tournent ensemble autour de la bima, la table de lecture qui se trouve au centre de la synagogue, en agitant le bouquet du loulav tout en disant en chœur « Hoshana, sauve-nous », rituel que l'on retrouve à Pâques dans le christianisme avec un sens différent, le dimanche des rameaux. Cependant, prier n'est qu'un souhait. Encore faut-il être exaucé. Les maîtres de la tradition talmudique instaurèrent dans les régions où la pluie tardait à venir des jours de jeûne, de prière et de sonnerie du chauffard, les régions voisines devant y participer par solidarité. En évoquant ces lois, le Talmud rapporte l'histoire d'un homme qui avait le don de faire tomber la pluie en cas de sécheresse. Il traçait un cercle sur le sol et y entrait en s'adressant à Dieu. « Je n'en sortirai pas, disait-il, tant que tu ne feras pas tomber la pluie, et la pluie tombait. » Cet homme, qui s'appelait Choni, devint célèbre sous le nom de Choni le traceur de cercle, Choni Ameagel en hébreu. Ce personnage paradigmatique, que l'on rencontre aussi sous le nom de Onias dans la littérature savante, est au cœur de nombreuses légendes, des légendes internes au monde juif d'abord, mais qui transpirèrent ensuite à l'extérieur, dans le monde chrétien et le monde musulman. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean Baumgarten, directeur de recherche émérite au CNRS et auteur de très nombreux ouvrages qui portent sur la littérature yiddish et l'histoire culturelle du monde ashkénaze, l'un des meilleurs spécialistes des légendes et du folklore juif à travers les siècles. Jean Baumgarten, bonjour. Bonjour. Alors, avant d'aborder la légende de Choni Ameagel, de ce Choni traceur de cercle, je crois qu'il est important, Jean Baumgarten, de s'arrêter sur la place de la légende en général dans la tradition juive et en particulier dans le corpus talmudique. Oui, c'est extrêmement important. Et très longtemps, on a établi une séparation, une division entre, disons, la loi et le récit, la légende, les narrations. Et même souvent, on voit beaucoup de textes rabbiniques qui considèrent ces légendes un peu comme un domaine subalterne, en leur donnant une dimension un peu inférieure. Et en fait, non seulement il y a une très grande quantité de récits, de légendes, dans toute l'histoire de la littérature juive, mais ces légendes ont eu une fonction, on peut dire, parallèle, aussi importante, complémentaire de la loi. Donc la loi, c'est effectivement la halakha, le din, le minhag, les usages, les coutumes et la loi sont un peu la colonne vertébrale du judaïsme, mais il faut aussi prendre en compte cette richesse, cette inventivité, cette créativité de la légende depuis la Bible jusqu'à des auteurs contemporains, dans la littérature israélienne par exemple. Et c'est très important de montrer la complémentarité, l'unité entre ces deux aspects, et que par ces légendes, eh bien, à toutes les époques, on a pu véhiculer, transmettre des idées, de courants religieux, des codes culturels, des valeurs qui sont propres au judaïsme. Et puis aussi, il y a cette très grande inventivité, créativité, imagination religieuse qui caractérise toute cette ce pan, disons, toute cette richesse de la tradition agadique. C'est important de signaler cette place de la légende, parce que pendant des siècles, c'est la prééminence de la halakha, de la loi, qui a valu dans les études des yeshivot, des académies talmudiques, et on assiste à une révolution, si on peut dire. Vous parlez d'un retour du refoulé à partir du 19e siècle. Comment s'est passée cette révolution, Jean Baumgarten? Oui, effectivement, on considérait, notamment dans les yeshivot, que tout cet aspect narratif, toutes ces légendes étaient un peu secondaires par rapport à l'interprétation, le commentaire et l'application de la loi. Mais il y a quand même eu, depuis le Maharal de Prague et d'autres grands penseurs, il y a eu une reconsidération de ces narrations, de la Haggadah. Mais c'est surtout effectivement au 19e siècle et au 20e siècle, alors que par exemple les savants allemands de la Wissenschaft des Judentum avaient souvent l'impression que c'était un peu des billevesées, des balivernes, des espèces d'inventions où il y avait beaucoup de superstitions, d'aspects irrationnels, et que tout ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Et par contre, notamment en Europe centrale et orientale, il y a des savants, je pense notamment à Hanski, le créateur, enfin qui a écrit le D-Book, et qui a fait une expédition ethnographique. Il a été tout à fait étonné, avec tous ces collecteurs qui sillonnaient ces shtetlers, ces bourgades de Galicie, qu'il y avait une culture populaire juive qui était encore extrêmement vivante, avec beaucoup de légendes, beaucoup de croyances, beaucoup d'usages sur la magie, la démonologie, des croyances sur les mondes supérieurs. Et donc, il a été vraiment confronté à la richesse de cette culture populaire. Il a commencé, il n'est pas le seul, mais il a commencé à engranger et à collecter ces légendes. Et aussi, il y a eu des groupes de savants dans toute l'Europe, depuis Londres, en France aussi, autour de la Revue des études juives, beaucoup à Budapest, autour du séminaire rabbinique, et aussi à Varsovie, à Saint-Pétersbourg, des savants qui ont collecté ces légendes, ces récits, et montré combien ils étaient porteurs de valeurs, et montré leur richesse. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à éditer des anthologies, des recueils. Et bon, on connaît aussi, on peut parler de Martin Buber, qui plus tard a récolté et rassemblé les récits racidiques. Et donc là, il y a vraiment la prise de conscience de l'importance de ce continent narratif de la tradition juive. Et on peut signaler de manière importante l'article qui est devenu un livre maintenant de Bialik, qui s'appelle Halakha et Agada, qui synthétise ce retour de la Agada. Il écrivait: la Halakha, donc la loi, et la Agada, le récit, ne font qu'un, ce sont deux aspects d'une même créature. Oui, effectivement, et aussi il y avait cette idée de créer une littérature nationale, et c'était justement à partir de ces légendes qu'on pouvait créer une littérature moderne. Et on pense bien sûr à Agnon quand on lit les contes, les récits, les romans, enfin de Agnon. On voit qu'il est imprégné de toutes ces agadotes, et qu'il les restitue, qu'il les réécrit dans une trame romanesque. Et alors, ce retour est interne au judaïsme, et il fut aussi l'occasion de discussions avec le monde universitaire externe. Je pense au débat entre Renan et Goldsier, l'un des représentants de ce retour du refoulé, de cette importance de la Haggadah, du récit. Jean Baumgarten. Oui, alors là, il faut mettre en évidence et en lumière l'importance de lieux comme le séminaire rabbinique de Budapest, où il y avait vraiment un vivier de très grands savants, dont Goldsier, qui était spécialiste de l'islam. Et il avait lu ces textes de Ernest Renan, qui considérait que les Hébreux, les Juifs étaient, comme il le disait, incapables de mythologie. Et donc, il y avait chez eux ni science, ni poésie, ni art, notamment dans ces textes qu'il a écrits, Renan, sur les langues sémitiques et aussi sur le système religieux des sémites. Il est rentré donc en opposition avec toutes ces idées, avec évidemment un peu des relents d'antisémitisme, disons. Et il a écrit notamment un texte sur ce qu'il appelle la mythologie des Hébreux, et pour montrer qu'il avait là un système religieux extrêmement complexe, avec des aspects légaux, mais aussi des légendes. Et il a aussi commencé à rassembler toutes ces traditions en montrant que la complexité, la plasticité et la richesse de la tradition juive en opposition à toutes ces idées, notamment celles que véhiculait Renan, selon lesquelles les Juifs étaient en dehors de toute création, notamment scientifique, littéraire. Alors revenons maintenant à ce texte de Roni Ameagelt, Roni le traceur de cercles. Chaque agada, chaque récit apporte à la loi qu'elle accompagne un sens particulier, une nuance, une couleur, une éthique, une poétique, structurant l'imaginaire religieux et la tradition littéraire. Vous venez d'en parler. Dès lors, on peut se demander qu'est-ce que l'histoire de Roni, le traceur de cercles, apporte à la question de la pluie et aux rituels qui permettent de la faire venir en cas de sécheresse. Pourquoi ne suffit-il pas de prier et de sonner du chauffard? Pourquoi, dans ce cas très précis, faut-il raconter une histoire? Cette histoire, et quelle est la fonction de cette image du cercle qui semble si importante? Quelle analyse en faire pour échapper à la simple action magique ou superstitieuse, Jean Baumgarten? Oui, alors on voit qu'au début, René Amergel ne fait que prier, mais la pluie ne vient pas. Et donc, il trace effectivement autour de lui ce cercle magique. Et à ce moment-là, par une sorte de pratique théurgique, eh bien, il rentre en communication avec l'au-delà, avec les mondes supérieurs. Et la circulation entre le haut et le bas se fait. Et c'est à ce moment-là que son vœu, le vœu est exaucé et que la pluie commence à tomber. Alors évidemment, ce cercle, le cercle est un thème qu'on retrouve dans beaucoup de traditions religieuses. On peut dire que ce sont des formes fondamentales. Il y a le cercle et la ligne, et qui représentent une idée d'infini, une idée de cycle de vie, une idée de complétude, de perfection, par rapport à la ligne qui serait plutôt du domaine des humains, avec tout ce que ça peut avoir d'imparfait. Donc il y aurait cette idée de perfection et d'imperfection. Et il y a aussi toute une référence à des traditions mystiques, à des techniques magiques qui permettaient justement, par la concentration sur la prière, sur les lettres de la prière, sur les noms divins, de pouvoir rentrer en communication et de s'associer avec le monde supérieur, et donc d'envoyer donc ses vœux, ses prières dans le monde supérieur, et d'avoir donc une réponse. Donc il y a toute cette dimension à la fois symbolique, à la fois on peut dire aussi kabbalistique, puisqu'on sait que dans la Kabbale lourianique, par exemple, dans l'acte de création, eh bien, il y a d'abord ce qu'on appelle le kav, c'est-à-dire la ligne, donc de lumière qui permet de créer une sorte de cercle, de point de lumière à partir duquel l'engendrement du monde va se faire. Donc il y a là aussi toute une symbolique entre le cercle et la ligne, entre qui représente aussi le masculin et le féminin, le terrestre et le céleste. Et donc il y a là une problématique qui est extrêmement riche, mais en ce qui concerne Roni Ameagel, c'est aussi beaucoup l'utilisation de ces techniques magiques qui ont toujours existé dans la tradition juive. Alors, Léon Ashkenazi, Manitou, dans un célèbre article qui s'appelle « Le cercle et la droite », va jusqu'à dire que le rapport entre le cercle et la droite, c'est bien sûr le nombre pi, 3,14, et il rapproche ce nombre pi, 3,14, du nom de Dieu, Shaddai, qui a une valeur numérique de 314. Et il dit que ce mot pi, qui est cette lettre pi, qui en grec ne veut rien dire, si ce n'est d'avoir ce son, signifie en hébreu « ma bouche », qui veut « ma bouche », c'est-à-dire peut-être qu'il y a un rapport entre le cercle et le nombre pi, et donc ma bouche, avec la nécessité en particulier ici que la bouche parle, c'est-à-dire que la bouche raconte une histoire, Jean Baumgarten. Oui, effectivement, c'est tout à fait juste, et d'autant plus que on considère, notamment dans les textes de la mystique, qu'il y a dans ces textes, notamment de la prière, eh bien, il y a ce qu'on appelle des graines de sainteté, enfin, qu'il y a une sainteté des lettres et des mots, et donc les dire, les prononcer, les cantiler, eh bien, cela permet de faire apparaître toute cette sainteté des mots, cette sainteté des lettres, et ça permet de s'associer donc au monde divin. Donc il y a un aspect saint, un aspect sacré de ces lettres, et les dire, c'est déjà s'unir, se relier au monde supérieur. Donc il y a toute cette problématique qui est tout à fait importante. Alors on a l'impression aussi que le cercle peut être cette forme que prend la bouche quand elle souffle, et que le souffle lui-même serait la droite. Donc on retrouve cette dialectique de la droite et du cercle qui semble être le cœur même de cette mystique juive en général, et en particulier de cette mystique de la pluie. Oui, absolument, avec cette idée du cycle de vie, de tout ce qui a trait justement à la création, à la vie, à l'engendrement, qui est tout à fait thème qui est tout à fait fondamental. Dans cette ambiance de Sukkot qu'offre ce très beau chant liturgique des Hoshanot, de la prière de la pluie, chanté ici par Alberto Mizrahi, accompagné par la Schola Hebraica dirigée par Neil Levin, continuons notre voyage au cœur de la légende. L'histoire que nous avons racontée avec Roni, le traceur de cercle, est suivie d'une autre histoire, il faudrait dire de deux histoires différentes, car la version est différente dans le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Commençons par la plus courte, si vous voulez bien, Jean Baumgarten, de ces deux versions, celle du Talmud de Jérusalem. Oui, effectivement, c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est de voir les variantes et les différentes, à partir d'un même thème, combien il y a de développement, de transformation de ces légendes. Et il y a donc cette légende de René Améagel dans le Talmud de Jérusalem. L'histoire se passe un peu avant la destruction du temple. Et donc, Roni se rend chez des ouvriers donc sur une montagne. Il est surpris par la pluie. Et il trouve un abri dans une grotte. Et il va s'endormir pendant que le temple est détruit, donc est dévasté. Et il est réveillé 70 ans après. Et il trouve bien sûr que tout le monde a changé, que les vignes ont poussé, que les arbres ont poussé, que les oliviers ne sont plus comme ceux qu'il avait connus. Et il s'étonne, en rencontrant des gens, de voir combien le monde avait bougé. Et quand il dit qu'il est René Améagel, eh bien, personne ne le croit, jusqu'à ce que, par sa seule présence, il remplisse le parvis du temple d'une immense lumière. Et c'est à ce moment-là que, dans la légende du Talmud de Jérusalem, on cite le psaume 126, « Quand l'Éternel ramenait les captifs de Sion, nous étions comme des rêveurs, comme des gens qui sont dans un rêve. » Et donc là, on a une intéressante variation de la légende de René Améagel. Alors le thème de la pluie est commun avec la première histoire. La question du cercle disparaît, mais de nouveaux éléments apparaissent. Le thème de la grotte, qui est peut-être une variante de l'image du cercle, et le thème aussi, surtout important, du sommeil de 70 années. Il y a aussi le fait que le monde a changé, vous l'avez bien souligné, du scepticisme de la nouvelle génération quant à l'identité de Roni, la preuve de son identité par la présence de la lumière qu'il tente d'apporter. Et puis il y a cette référence biblique du psaume 126. Quelles sont les préoccupations principales de cette histoire? Qu'est-ce que ça amène de plus que la première que nous avons évoquée avec Roni, le traceur de cercles? Je crois qu'il y a deux aspects. Il y a d'abord le fait que on ne reconnaît pas René Améagel. On nie le fait qu'il soit René Améagel. Donc là, c'est un thème qui va parcourir beaucoup de légendes. Et il y a aussi le fait que après, eh bien, le parvis du temple se remplisse de lumière. Et donc là, ça montre vraiment la sainteté du personnage et combien il est relié au monde supérieur, puisque une des particularités de toutes ces figures saintes dans le judaïsme, c'est très souvent le fait qu'ils sont entourés d'un halo de lumière et qu'ils projettent autour d'eux un faisceau de lumière. On pense, par exemple, il y a des récits du Baal Shem Tov, des récits racidiques, dans lesquels on le décrit à la choule entouré de lumière au moment d'extase et de prière extatique. Donc là, ça montre le caractère tout à fait exceptionnel et la sainteté du personnage. Et à ce moment-là, on passe de l'incrédulité, disons, à la crédulité, et on se rend compte de la sainteté du personnage. Alors peut-être que la lumière que vous évoquez, c'est aussi la lumière des astres, et là on retrouverait le cercle, celui de la forme du soleil, de la lune quand elle est pleine, et donc on retrouverait encore, bien que le cercle n'apparaisse pas directement, il serait présent. Alors il y a quelque chose qui revient de manière quand même très importante dans ces légendes, c'est le sommeil de Roni. Quelle est l'importance de ce sommeil? Pourquoi il a besoin de dormir 70 ans? Quelle est la signification à la fois du sommeil et de ce nombre de 70, Jean Baumgarten? Alors, d'abord, il y a dans beaucoup de ces légendes deux formes de sommeil. Il y a un sommeil qui serait une sorte d'engourdissement spirituel, enfin de sommeil spirituel qui empêche justement de monter vers les sphères supérieures et de cheminer dans la voie de la Torah. Et donc il y a ce sommeil négatif, disons. Mais là, on a un sommeil qui est une sorte de sommeil prophétique, enfin qui est un peu comme dans ce qu'on appelle les états altérés de la conscience dans la prière extatique ou dans certaines pratiques chamaniques que l'on trouve dans la mystique ancienne. Donc il y a ces moments où ces personnages saints, ces figures saintes, eh bien sortent de la réalité, perdent le contrôle d'eux-mêmes et sont projetés dans une dimension, dans un au-delà, disons, qui s'apparente au rêve, qui s'apparente à la prophétie, et dans lesquels ils tombent littéralement. Alors il y a deux formes de cet endormissement. Il y en a un qui est plus passif, qui c'est un peu comme dans la catalepsie, enfin des formes d'évanouissement, et qui montre que l'âme se sépare du corps. Puis il y a aussi des formes, disons, plus extatiques, dans lesquelles eh bien, le corps se met à trembler, on est pris de mouvements désordonnés et qui, dans la tradition mystique, rend compte de ce qu'on appelle le Hitlahavut, c'est-à-dire d'un espèce d'enthousiasme mystique et le fait que l'association avec le divin s'est fait. Donc il y a ces deux formes. Et chez Ronia Mehagel, c'est justement cet endormissement qui permet à l'âme de s'élever, de l'ascension de l'âme vers le divin, vers la divinité, qui montre là aussi combien c'est un personnage, un prophète et une figure sainte. Est-ce que c'est pas aussi le fait de se ressourcer quant à l'identité de soi-même, puisqu'il y a ce thème de l'identité qu'il doit prouver aux yeux des sages, ou en tout cas aux yeux de la génération? Est-ce que on ne s'endort pas pour rêver, pour se connecter, on dirait de manière plus moderne, avec son inconscient, pour trouver quelque chose dans les profondeurs de soi qui permet de se renouveler quant à son identité? C'est-à-dire que il va dire c'est moi, on va le retrouver dans une autre histoire, mais il va dire c'est moi, Ronia Mehagel, on le croit pas. Qu'est-ce que c'est que ce c'est moi, cette interrogation sur le soi, Jean Baumgarten? Oui, en fait, on pourrait dire que c'est un sommeil qui est à la fois un réveil, enfin, it orerot, c'est-à-dire le fait de se débarrasser de toutes ces pesanteurs et de toutes ces contraintes un peu matérielles et somatiques, et de se connecter et de se ressourcer, se connecter avec ce qu'il y a de plus fondamental en soi, et aussi avec les autres et avec le monde supérieur. Donc c'est un sommeil qui est en fait une hyper-conscience, enfin qui est au contraire un éveil absolu qui vous met à la fois en relation beaucoup plus directe et beaucoup plus forte avec vous-même, avec les autres, avec l'altérité et aussi avec les mondes supérieurs. Donc c'est ce passage qui permet de s'abstraire de la quotidienneté ou de la banalité et de s'introduire comme disons de l'autre côté du miroir et de franchir cette barrière un peu infranchissable, ces limites qui vous permettent d'accéder à un monde supranaturel et d'avoir des visions, des illuminations, et aussi de se connecter avec le monde supérieur, puisque dans beaucoup de ces légendes il y a des récits dans lesquels l'âme de ces figures saintes monte vers l'académie talmudique d'en haut, où ces personnages rencontrent des sages, des patriarches, des grands personnages de la tradition juive, et vont avec eux étudier, recevoir des interprétations et des commentaires nouveaux. Et ensuite, quand leur âme va rejoindre leur corps et se réassocier à leur corps, eh bien, ils vont pouvoir diffuser à leurs disciples, à leurs élèves, à leurs adeptes, eh bien, tous ces commentaires, toutes ces interprétations et toute cette voix, ces paroles et ces enseignements qui viennent directement du monde d'en haut. Merci beaucoup Jean Baumgarten pour cette réflexion passionnante sur les légendes dans le judaïsme. Beaucoup d'éléments restent à élucider dans cette histoire de Roni le traceur de cercle. Il y a d'abord la seconde version rapportée par le Talmud de Babylone, et ensuite la découverte des migrations de cette légende dans le corpus des légendes universelles, dans le monde chrétien et le monde musulman. C'est ce que nous verrons avec vous la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Je rappelle un des titres de votre bibliographie dans lequel les auditeurs pourront se plonger pour poursuivre et approfondir la réflexion d'aujourd'hui. Rabbin et savant au village, l'étude des traditions populaires juives 19e, 20e siècle aux éditions du CNRS que vous avez coécrit avec Céline Trottmann-Valère. Merci encore Jean Baumgarten. Merci à vous. C'était Talmudic, une émission de Marc-Alain Wacklin et Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui Manuel Couturier, à la réalisation, comme d'habitude, Dany Journaud. Vous retrouverez toutes les indications bibliographiques et biographiques de notre invité sur le site de l'émission. Kol Tov, Leitraot, au revoir, Chag Sameach, bonne fête, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. Talmudic. Jean Baumgarten, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine. Nous avions vu avec vous la semaine dernière que s'il y a une centralité de la halakha, de la loi, les histoires, les récits et les légendes qui constituent le monde de la Haggadah n'en jouent pas moins un rôle fondamental. Nous avions vu en quoi cela avait constitué une révolution dans les études juives et nous avions pris pour exemple, dans le contexte de la fête de Soukhot, qui est le temps de la prière pour la pluie, deux histoires de Choni, le traceur de cercle, qui savait faire tomber la pluie en période de sécheresse. Ce personnage est au cœur d'une autre version que rapporte le traité Ta'anit du Talmud de Babylone, dont j'aimerais que vous nous en fassiez le récit pour que nous en proposions ensuite le commentaire. Nous montrerons ensuite avec vous, Jean Baumgarten, comment cette légende a essaimé dans de très nombreux autres récits à travers le monde, et en particulier à travers la légende des sept dormants d'Éphèse, une légende qui a été l'occasion la semaine dernière à Autun, en Bourgogne, d'un colloque très important organisé par Jérôme Lekim et l'association de la chapelle des sept dormants d'Éphèse, auquel vous avez participé. Mais commençons par la légende talmudique Jean Baumgarten. Oui, donc il y a cette nouvelle légende donc qu'on le trouve dans le Talmud de Babylone où on parle d'un sommeil de 70 ans. Bon, le chiffre 70 fait référence au Sod, enfin à l'invisible, au secret, au mystère, aux arcanes, au non-dit. Donc là aussi, ça nous projette dans une dimension surnaturelle, disons, et aussi dans la dimension de l'inconscient, enfin donc du rêve. Et donc c'est aussi une allusion à ce qui est au-delà de la réalité et donc dans les profondeurs de la personne et de l'âme humaine. Il y a donc cet autre récit et c'est justement autour de ce rêve de 70 ans et Roni Ameagel se demande comment est-il possible de dormir un laps de temps aussi long et un jour... Alors qu'il marche sur une route, eh bien, il rencontre un homme qui était en train de planter un caroubier. Et il demande à cet homme, mais combien d'années faut-il pour que ce caroubier porte des fruits? Eh bien, justement, 70 ans. Il se demande s'il va vivre ce laps de temps si long et s'il va pouvoir manger les fruits de cet arbre. Cet homme lui répond, eh bien, mes ancêtres ont planté des arbres pour moi, et de la même façon, moi, je planterai cet arbre pour mes petits-fils et mes descendants. Après, Roni va s'asseoir pour manger, et il est repris d'un profond sommeil. Il va s'endormir dans une grotte qui va se fermer autour de lui et qui va le cacher, le protéger. Et il va dormir 70 ans. Et lorsqu'il se réveille, eh bien, il voit un homme qui mangeait donc ses caroubes qui avaient poussé donc de cet arbre qu'il avait planté. Et alors il demande, sais-tu qui a planté ce caroubier? Eh bien, la personne répond, c'est mon grand-père paternel. Donc Roni lui dit, j'ai dû dormir donc pendant tout ce laps de temps. Et il constata tous les changements autour de lui. Bien sûr, tout avait profondément changé. Il va rentrer chez lui. Il va demander à voir son fils qui est mort. Mais son petit-fils est là. Et là, il lui dit, eh bien, moi, je suis Roni Améagel, le traceur de cercle. Et là encore, on ne le croit pas. Scepticisme, doute. Et alors, il se rend à la maison d'études. Et où il va entendre des rabbis qui lui disent, eh bien, du temps de Roni Améagel, on venait dans cette Beit HaMidrash pour connaître les interprétations et pour résoudre tous les problèmes halakhiques et autres qui pouvaient se poser au rabbin, compte tenu que Roni était une autorité reconnue. Et il lui dit, mais c'est de moi que vous parlez. Annie Roni, je suis Roni Améagel. Et là encore, scepticisme, ils ne le prennent pas au sérieux. Et il en fut si affecté, si mortifié justement, que Dieu le fait mourir. Et donc ça, c'est la mort de notre personnage. Donc il n'a pas été cru. Donc là, il y a aussi beaucoup de thèmes tout à fait importants dont nous allons parler. Alors cette version reprend certains thèmes de la version du Talmud de Jérusalem que nous avions raconté la semaine dernière. Elle en rajoute et en délaisse aussi d'autres. Le plus intéressant au premier abord est qu'il manque le thème principal de la pluie, qui était le premier prétexte de cette légende, de même qu'il manque la séquence où Roni se présente au temple, séquence remplacée par la maison d'études, et ceci n'est pas anodin. La fin de l'histoire est plus tragique puisqu'elle se termine par la mort de Roni, bien que sa présence ait aussi amené de la lumière à un éclairage intellectuel précieux dans la maison d'études, mais qui ne fait pas preuve pour les sages en ce qui concerne la vérité de son identité. Comment, Jean Baumgarten, comprenez-vous ce texte ? Eh bien, ce qui est important là, c'est la transmission d'abord. C'est ça qui est le centre de cette légende. Donc, le fait que nous sommes sur Terre non pas simplement pour penser à notre petit ego, mais aussi pour penser aux générations futures, à nos enfants, à nos petits-enfants. Et donc, avec cette idée de transmission, de ce qu'on appelle Shalshelet HaKabbalah, c'est-à-dire la chaîne de la tradition, la chaîne de la transmission qui ne doit jamais être interrompue. Il y a cette idée du scepticisme, enfin du doute, de l'incrédulité, quand on ne croit pas à la parole d'autrui, et là, qui peut conduire justement à la dépression, à la ruine, à la destruction. Il y a aussi cette idée du passage, enfin, qui est important d'un point de vue historique, parce que ces légendes ne sont pas simplement, disons, du domaine de l'imagination religieuse, mais elles répercutent aussi beaucoup de faits qui sont liés au contexte social, au contexte historique. Et là, on voit, donc, après la destruction du temple, eh bien, c'est la maison d'études qui va prendre, et la synagogue qui vont prendre le relais. Donc là, on voit combien dans cette légende il y a un fait historique qui est transmis dans une narration qui peut paraître un peu banale, mais qui rencontre d'une réalité, d'une mutation et d'un changement profond dans le judaïsme, mais qui place au centre et au cœur vivant donc de la tradition juive l'idée de la transmission et l'idée de la confiance dans l'altérité. Alors, transmission, confiance, j'ai été frappé dans le récit que vous avez fait. Roni est enfermé dans la répétition d'un « c'est moi Roni », « Ani Roni » ou en araméen dans le texte « Ana Roni » parce que quand on lui dit que son fils n'est pas dans la maison mais que s'y trouve son petit-fils, il ne pose même pas la question de savoir ce qu'est devenu son fils. J'ai l'impression aussi avec le caroubier que vous avez évoqué, le caroubier planté pour les générations à venir et d'autres éléments de ce récit, que ce texte nous invite à repenser les catégories du moi. Vous l'avez un petit peu souligné, mais je voudrais qu'on le souligne encore, les catégories du moi et de l'identité et de leur rapport au temps, très proche de la formule lévinassienne, le sujet serait sujet quand il est pour l'autre, quand il est engagé dans une responsabilité pour l'autre, l'autre présent et l'autre absent, responsabilité pour ceux qui viendront après, pour ceux que nos yeux ne verront pas, selon une magnifique formule de Hans Jonas. qui est le philosophe du principe responsabilité, et instaurant ainsi une éthique du futur, Jean Baumgarten. Oui, absolument. Au sujet du fils, enfin, il y a le récit dit que le fils est mort et que donc c'est son petit-fils qui le voit. Mais ce qui est important, je crois, c'est justement de montrer la limitation de tout ce qui est, disons, le fait d'être centré sur soi et donc de cette référence uniquement à l'ego, au narcissisme. Enfin, et là, cette légende, elle montre donc l'importance de se projeter dans le futur avec une dimension bien sûr messianique et que ça participe justement de cette préparation des temps messianiques et aussi de la responsabilité humaine et qu'il y a là, disons, un bon usage du moi, c'est-à-dire un moi qui n'est pas centré uniquement sur soi, mais qui pense au futur, qui pense à la transmission aux générations qui viennent, enfin qui sont là et qui vont continuer donc à porter les éléments essentiels du judaïsme et alors de l'identité juive. Ce que vous dites est fort intéressant et me fait penser à un texte de Lévinas, Jean Baumgarten. Lévinas écrit dans son livre « En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger », l'avenir pour lequel l'œuvre s'entreprend doit être d'emblée posé comme indifférent à ma mort. Et il ajoute, il s'agit d'être pour un temps qui sera sans moi, être pour un temps après mon temps, pour un avenir par-delà le fameux être pour la mort de Heidegger. Être, selon la modalité de l'éthique, c'est être pour après ma mort, être par-delà ma mort. Et il ajoute, dans une formule en forme d'impératif, fasse que l'avenir et les plus lointaines choses soient la règle de tous les jours présents, ce que j'aime à traduire, fasse que ton présent soit un présent, c'est-à-dire un cadeau pour les générations à venir. Et j'ai l'impression que ce texte nous parle de quelque chose de très moderne, je dirais d'une conscience écologique, faire en sorte qu'il y ait une planète pour les générations à venir. Faire tomber la pluie ne serait pas la possibilité que nous ayons de la pluie, mais que nos enfants, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants en aient encore suffisamment pour avoir la chance de vivre une vie bonne, c'est-à-dire de vivre tout simplement, Jean Baumgarten. Oui, absolument. Il y a cette idée aussi, je crois, d'abandon et de montrer les limites aussi de toutes ces pratiques magiques un peu irrationnelles, ce qu'on appelle les superstitions. Et y a une mutation, une transformation, et c'est plutôt l'attention à la nature, l'attention au monde environnant, comme semble le laisser entendre le petit-fils. Donc il y a aussi, peut-être montrer les limites de toutes ces pratiques mystiques et d'être plus attentif au monde qui vous entoure, le respecter, le protéger, et aussi peut-être, disons, une mutation de ces pratiques, de ces techniques mystiques à l'attention à autrui et à un souci de soi et de l'altérité, mais dans le sens positif. Votre Altesse. Vous savez, Majesté, je n'ai pas le droit de parler à des inconnus, mais vous et moi, nous nous connaissons. Mon amour, je t'ai vu au beau milieu d'un rêve. Mon amour, un aussi doux rêve est un présage d'amour. Refusons tous deux que nos lendemains soient mornes et gris. Nous attendons l'heure de notre bonheur, toi, Vous aurez peut-être reconnu, Jean Baumgarten, la chanson de La Belle au bois dormant dans la version française de Disney chantée par Daniel Licari, d'une façon de souligner dans la légende de Roni cet épisode du sommeil de 70 ans que nous avons commencé à analyser la semaine dernière et qui se retrouve dans de nombreux contes et légendes. Bernard Heller, un chercheur sur lequel vous avez beaucoup travaillé, a beaucoup insisté dans ses recherches sur la dynamique et la plasticité des légendes, juives et non juives, sur l'importance de la reconstruction de l'architecture narrative des légendes, je vous cite, faite de strates, de réutilisation, de réécriture, de migration en fonction des langues et des contextes. Il s'agit, dites-vous, grâce à des comparaisons ethnographiques et ethnologiques, de projeter sur la Haggadah, le récit, la lumière de la littérature comparée. Je crois qu'il est important, Jean Baumgarten, de préciser les grandes lignes de cette méthodologie dans laquelle vous inscrivez aussi vos propres recherches. Oui, effectivement, il y a, si vous voulez, une référence à un axe vertical qui est où donc il faut se plonger dans toute cette tradition de récits qui part de la Bible, des Midrashim, des Haggadot talmudiques et des légendes médiévales et aussi des légendes de la Kabbale, par exemple dans les chiffres Ahari de Isaac Luria et puis les récits racidiques. Donc il y a ce socle qu'il faut bien maîtriser et comprendre et analyser et étudier. Mais il ne faut pas oublier cet axe horizontal, disons, du fait qu'effectivement, il y a une dimension de comparaison des traditions et que non seulement ces légendes sont inscrites dans un temps, dans une histoire, dans une société, donc aussi montrer qu'ils répercutent, il y a une réfraction de beaucoup d'éléments sociaux, d'éléments économiques qui sont propres à une époque. Il y a aussi beaucoup d'emprunt, beaucoup de porosité avec les littératures et les folklores européens, universels. Et on voit donc ce va-et-vient entre le dedans et le dehors, et donc les deux écueils qu'il faut éviter, c'est à la fois l'enfermement dans une tradition qui serait un peu fermée sur elle-même, et au contraire, oublier et se séparer de toute cette richesse de la tradition des légendes juives pour n'en voir, disons, que un rameau un peu répétitif, hein, de thèmes qui sont universels, et donc ça serait dilué dans l'universalisme, ces légendes qui ont une singularité, une beauté tout à fait particulière. Donc il faut trouver un point médian entre la reconnaissance de l'importance de cette tradition, mais ne pas oublier non seulement qu'ils sont liés à une société, mais qu'ils sont dans un contexte qui demande à comparer avec d'autres traditions religieuses. Alors Heller insère les récits juifs, vous venez de le dire à l'instant, dans un vaste maillage de narrations. Il décortique la structure complexe des récits et surtout rappelle l'importance du chez non-juif dans la transmission de thèmes folkloriques universels. La légende des sept dormants est peut-être ici un exemple privilégié. Il existe plusieurs versions et de nombreuses variantes de cette légende qui parcourent le monde, à la fois dans le monde chrétien et le monde musulman. Quelle est cette légende, Jean Baumgarten? Eh bien, c'est une histoire qui se déroule au temps de la persécution d'un empereur Dèce qui règne aux alentours de 249-250, qui luttait contre les chrétiens. Il y a cet officier de son palais qui, pendant l'absence de l'empereur, eh bien, vont distribuer leurs biens aux pauvres et vont se réfugier dans une montagne voisine pour prier, pour méditer. Et l'empereur, à son retour, fait rechercher donc ces sept dignitaires qui ont épousé le christianisme, alors qu'ils étaient dans cette caverne, dans cette grotte, eh bien, et qu'ils prenaient leur repas du soir, eh bien, ils tombent mystérieusement endormis. Donc là, on retrouve le thème du sommeil. Et ils sont découverts dans cet état. L'empereur les fait alors emmurer dans cette grotte, dans cette caverne. Et ça n'est que beaucoup d'années plus tard, plusieurs centaines d'années plus tard, qu'un maçon va ouvrir par hasard la grotte où sont enfermés donc ces sept dormants. Et il se réveille inconscient donc de cette très longue période de sommeil. Le nouvel empereur Théodose II vient et voit dans ce fait, donc dans ce sommeil, la preuve, disons, c'est un miracle, la preuve, disons, de la résurrection des morts. Et là, on voit qu'il y a dans cette légende, donc, la transmission d'un dogme du christianisme. Et donc, cette légende va connaître des versions en syriaque, en grec, en arabe, et aussi, elle va passer dans le monde occidental, et on va en trouver des variantes, notamment dans la légende dorée de Jacques de Voragine et dans d'autres légendiers chrétiens. Et donc, on voit comment cette légende d'Orient va circuler avec des variantes, des transformations dans différentes traditions culturelles et traditions religieuses. Alors, Heller, que je viens de citer précédemment, dans ses recherches, conclut parmi les éléments constitutifs de la légende arabe des sept dormants, il n'y en a guère qui ne trouvent leur pendant dans la Haggadah midrashique ou talmudique. Il est probable que la légende des sept dormants représente, dit-il, une tradition agadique submergée dans le flot du temps, réapparaissant dans la légende chrétienne et développée par l'islamisme. Et vos propres recherches, Jean Baumgarten, sur la légende des sept dormants, vous ont invité à d'autres conclusions. Alors, on a vu à l'instant le thème qu'on retrouve chez Roniame Hagel. Il y a le sommeil, il y a la caverne, il y a le repas. Mais qu'est-ce qui fait dire à Heller et à vous-même dans vos recherches que les sources de la légende des sept dormants se trouvent dans Roniame Hagel et d'autres sources juives? Eh bien, les deux traditions principales dont on parle quand on aborde toutes ces légendes, c'est essentiellement la tradition de l'islam et la tradition de la chrétienté. Donc toutes ces légendes qui se sont développées, il y a notamment dans le Coran, il y a une sourate dans laquelle on raconte, il y a une version qui est un peu différente de cette légende, où ils ne sont pas enfermés dans une grotte. Il y a aussi l'histoire d'un chien qui protège l'endroit où ils sont. Et il y a, alors on ne sait pas si c'est 3, 5 ou 7 dormants, il y a d'autres thèmes différents. Et il y a aussi la tradition chrétienne. Alors, je parlais de Jacques de Voragine, donc tous ces légendiers hagiographiques sur la vie des saints. On oublie, dans ces traditions dominantes, disons, combien il y a un soubassement, il y a de légendes qui viennent du judaïsme, de la Bible, du Midrash, des Haggadot du Talmud. Et donc, il ne faut pas oublier le maillon, le chaînon de la tradition juive, et de montrer combien, aussi bien, donc comme je disais, dans la Bible que dans les Midrashim, on trouve que ça soit le thème de la caverne, de la grotte, donc de cet endroit fermé où, alors on pense à Élie, on pense à Shimon Bar Yochai, on pense à beaucoup d'autres grandes figures de la tradition juive, et puis aussi le thème du sommeil que l'on trouve aussi dans beaucoup de légendes juives, et notamment dans cette idée de sortir du monde quotidien et rentrer dans une dimension supranaturelle et dans des états un peu modifiés, comme on appelle cela, de la conscience, et qui vous permettent à l'âme de monter vers l'au-delà. Et bien, tous ces thèmes on les trouve aussi dans la tradition juive. Donc, ce qu'a montré ce folkloriste, un très grand folkloriste qui est Bernard Heller, qui était lié au séminaire rabbinique de Budapest avec Goldseer et avec d'autres grands personnages de la science juive du 19e et du début du 20e siècle, eh bien, il a montré à la fois la richesse, et en comparant ces différentes versions en syriaque, en grec, etc., en arabe, en latin, il a montré qu'il ne fallait pas négliger aussi ces versions et ces thèmes que l'on trouve dans la tradition juive, et que donc c'est un va-et-vient entre différentes traditions qui s'interpénètrent et qui rebondissent dans des créations narratives, on peut dire, infinies. Alors, on retrouve la dimension, je dirais, horizontale que vous avez évoquée, c'est-à-dire cette porosité dans les deux sens. Les légendes juives influent dans les légendes universelles, mais les légendes juives elles-mêmes reçoivent des légendes universelles, ce qu'on retrouve un petit peu dans le monde, dans les contes hassidiques, par exemple, et les histoires chez Rabbi Nachman de Bratslav. Oui, absolument. C'est qu'il y a, effectivement, il y a à la fois, bon, si on prend les chiffres Rabesh, c'est-à-dire le grand recueil de récits autour d'Israël Baal Shem Tov, eh bien, des chercheurs comme Moshe Hidel, par exemple, mais d'autres, Moshe Rossman aussi, ont montré qu'il y avait certainement une influence du contexte des mystiques dans la chrétienté orthodoxe, enfin dans ce qui est actuellement la Roumanie et l'Ukraine. Donc il y avait des anachorètes, il y avait des qui allaient dans les montagnes, qui allaient dans la nature pour se connecter avec, pour prier, pour méditer, pour se concentrer sur les textes. Et donc là on voit qu'il y a une porosité et il est connu, enfin dans ces textes on en parle, que il y avait des paysans, il y avait dans ces régions rurales de ce qui est actuellement les Carpates, la Roumanie, etc., des chrétiens, donc ils connaissaient ces légendes racidiques. Donc il y a un va-et-vient dans les deux sens, de même que quand on étudie toutes ces légendes et tous ces légendiers, on voit combien des thèmes universels fécondent s'introduisent et combien ils sont présents dans toute cette tradition extrêmement riche. Et aussi, il faut dire que dans la littérature juive, il y a eu beaucoup de traductions de ces contes, de ces légendes, disons, de la tradition universelle, et que donc les Juifs traduisaient et aussi judaïsaient les textes en éliminant un certain nombre d'éléments qui étaient trop proches d'autres traditions religieuses, et que c'était extrêmement populaire et lu par l'intermédiaire de petits livres de colportage, par exemple dans le monde ashkénaze. Donc on voit très bien les va-et-vient et la porosité entre le monde juif et la société environnante, et aussi combien la société environnante a absorbé un certain nombre de ces thèmes et aussi de ces figures saintes dont on trouve des échos dans beaucoup de légendes chrétiennes, par exemple. Nous avons vu la leçon de Roni Muagel, cette révolution philosophique qui repense le moi, non pas comme un moi tourné vers lui-même, mais vers la responsabilité pour autrui. Quelle est, dans la légende des sept dormants, qui s'inspire de Roni Muagel, la spécificité de la leçon qu'elle veut transmettre? Je suppose qu'il y en a beaucoup, mais pour vous, quelle est la leçon des sept dormants? Eh bien, il me semble que cette leçon, elle est liée au fait de se réunir dans une sorte de petite confrérie, de ravruta, disons, pour, alors on n'en parle pas, on le dit implicitement, pour étudier, pour prier, pour être ensemble autour de ces textes, en se séparant de cette société qui est polythéiste et en montrant une éthique de la responsabilité vis-à-vis d'autrui, puisque ils distribuent leurs biens aux pauvres, donc une sorte de forme de tzedaka. Et le deuxième aspect important, c'est à mon avis la centralité de ce lien entre le monde terrestre et le monde céleste. Donc c'est ça qui est la particularité de cette légende, et qu'on va retrouver bien sûr dans beaucoup de traditions mystiques, depuis la mystique ancienne jusqu'au racidisme, et cette idée comment se connecter avec les mondes supérieurs. Le grand écrivain yiddish, Yitzhak Leibowitz Peretz, a écrit un jour un livre intitulé « Les métamorphoses d'une mélodie ». Et je pense que la légende de Roni n'a pas fini de nous offrir ses métamorphoses. Le texte n'a pas fini d'engendrer de nouvelles œuvres. En témoigne l'exposition au printemps dernier de Gérard Garouste intitulée Zogma, dans laquelle furent exposés deux tableaux que Gérard Garouste a consacrés à cette légende. Le premier, intitulé justement Roni et le caroubier, dans lequel un personnage inquiet dialogue avec un arbre et avec le mouvement de ses mains semble le questionner, une façon sans doute de rappeler que le mot « arbre » en hébreu, « etz », signifie aussi « demander » et « donner conseil ». Le second tableau s'intitule « Le pont de Varsovie et les ânes », car dans l'histoire, nous n'avons pas eu le temps d'en parler, il est aussi question de multiples ânes nés pendant les 70 ans du sommeil de Roni, et qu'il découvre à son réveil. Image qui insiste sur le thème des générations qui se renouvellent, que nous avons commenté, Jean Baumgarten. Le pont en est une autre métaphore, deux tableaux qui disent aussi que ce n'est peut-être pas seulement Roni qui dort depuis si longtemps, mais la légende de Roni. Et la peindre serait une façon de la réveiller et de l'offrir aux nouvelles générations. Une peinture qui s'inscrit dans une esthétique que j'appelle Alt-Neu-Kunst, un pont entre les temps anciens et les temps nouveaux, un art ancien-nouveau qui, je crois, caractérise particulièrement la peinture de Gérard Garouste, au cœur de laquelle l'imagination du peintre sait avec talent réveiller les princesses endormies. Merci Jean Baumgarten pour ce passionnant voyage à travers cette pluralité et ce dialogue des traditions narratives qui nous a donné envie de relire tous ces textes avec des oreilles et des yeux nouveaux. Les auditeurs pourront se reporter à votre article « Bernard Heller et l'étude du folklore juif » ainsi que votre livre « Rabbin et savant au village, l'étude des traditions populaires 19e et 20e siècle » que vous avez écrit avec Céline Trottmann-Valeur aux éditions CNRS. J'invite aussi les auditeurs à poursuivre notre dialogue d'aujourd'hui en découvrant l'association de la chapelle Notre-Dame des Sept Dormants d'Éphèse à Autun. Et j'aimerais aussi citer le livre de Chaim Nachman Bialik, Halacha et Agada, paru aux éditions de l'Éclat, livre qui est une référence incontournable concernant notre sujet d'aujourd'hui et de la semaine dernière et de nombreuses problématiques que nous abordons dans Talmudic. Merci encore Jean Baumgarten. Merci à vous. C'était Talmudic, une émission de Marc-Alain Wachnin et de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui, Manuel Couturier, à la réalisation, comme toujours, Dany Journeau. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de l'émission, ainsi que la reproduction des deux tableaux de Gérard Garouste que j'ai évoqués, Koltouv, Le Hitrot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.